Hey, on fait de une vieille connaissance. Les gens s'en rappellent sûrement pas, mais Jean-Luc Legendre, que vous voyez régulièrement à RDS, qui a réussi un très très bon coup hier, a commencé à Planète, parce qu'il est aujourd'hui Planète 100,3 CHVD à l'époque, en 1994, puis on se racontait des bons souvenirs. Salut Jean-Luc! Salut, je me demande pourquoi tu dis que les gens s'en rappellent sûrement pas. Les gens se rappellent sûrement quand j'animais le marché aux puces, les Le marché aux puces, ben oui! Ben oui! Le marché! C'est un classique, Jean-Luc, c'est incroyable, pareil. Puis, mais moi, ce que j'ai dit avant de rentrer en onde avec toi, j'ai dit en 94, c'était moi qui tripais le sport, puis toi, tu tripais pas du tout, je m'en rappelle très bien. Puis aujourd'hui, t'es à RDS, tu sors des nouvelles comme hier, c'est un grand coup. Où est-ce que ça a venu, cette passion-là pour le sport? Ben, le sport, là, a tout le temps été là dans ma vie. OK. Depuis que je suis jeune, mais je te dirais que au tournant des années 90, quand je suis arrivé au cégep, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la politique, à d'autres sphères, fait que le sport reprend un peu plus de côté. Je te cacherai pas que à un certain moment, quand les Nordiques allaient moins bien, à la fin des années 80, début 90, je me suis complètement désintéressé du hockey. Même chose pour les Expos. Ça, c'était les deux équipes que je suivais beaucoup quand j'étais très jeune. J'ai 43 ans pour situer les gens. Fait que quand on s'est connus, Danny, toi puis moi, au milieu des années 90, là, le sport, j'avais plus aucun intérêt pour ça. J'étais complètement ailleurs. OK, OK. Puis là, puis par la suite... Finalement, ben, ouais. J'ai continué dans le métier, puis je me suis rendu compte que à quel point le métier de journaliste sportif était vraiment un des plus beaux métiers au monde. On continue à faire notre passion de communiquer avec les gens, à rencontrer des athlètes, à assister à des événements. Et écoute, c'est un métier complètement fabuleux que je pratique maintenant. Journaliste sportif, ça fait 21 ans que je fais ça. Mais, je me considère bien chanceux. Moi, ce que je remarque le plus en toi, c'est que, bon, la boxe, c'est devenu le... Bon, hier, t'as sorti une grosse nouvelle parce que t'es journaliste aussi, mais ton dada, là, je dirais que c'est la boxe. Probablement, tu participes à des podcasts, le Compte de Neuf, tu remplaces Jean-Paul Chartrand, senior. Où est-ce que t'as aimé ça, la boxe? La boxe, ça a commencé avec une histoire d'amour. OK, OK. C'est celle qui est ma conjointe présentement. Elle a suivi la boxe depuis longtemps. Puis moi, ben, la boxe, je suivais ça de très, très, très loin. Même, j'ai jamais joué à Punch-Out, là, aux jeux vidéo, là. C'est vraiment à commencer à écouter des combats avec elle que j'ai appris ça. C'est moi qui l'accompagnais à Cage au Sport, si tu veux. C'est moi qui l'accompagnais dans un gala de boxe au début. Puis à un certain moment, à RDS, il y a un poste qui s'est libéré. Avant, c'était mon ancien collègue Martin Dion, ouais. Qui couvrait la boxe. Qui vient d'Allemagne, en passant. Un gars d'Allemagne, exactement. Ouais, ouais. Puis là, il fallait quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Puis la boxe, tu sais, c'est un milieu qui est assez difficile. Okay. Où est-ce que tu peux te faire berner, tu peux te faire raconter un paquet d'histoires. Puis il avait besoin de quelqu'un qui avait une certaine expérience, peut-être pas nécessairement juste en boxe, okay. Mais quelqu'un qui était... pas facilement bernable, si tu veux. C'est okay. Pour ça qu'ils m'ont donné ce secteur d'activité-là. Okay. Puis, tu vois, ça fait 11 ans que je couvre la boxe. Puis, écoute, c'est sûr que j'étais vert au début, mais je te dirais qu'avec avec les années, là, j'ai commence à connaître un petit peu plus ma boxe. C'est-tu ton temps, sport favori? Je suis un senior, là, mais ça s'en vient. Ouais, c'est-tu ton sport favori maintenant ou c'est... Non? Non, je peux pas dire que j'ai un sport favori. Pour moi, là, okay. Tous les sports sont potentiellement intéressant de manière égale, mais quand tu as un enjeu. L'avantage avec la boxe, c'est que tu as toujours un enjeu. Les boxeurs se battent pas souvent, mais chaque combat est déterminant. Contrairement à une saison de une longue saison de hockey où il y a des matchs insignifiants, ben un boxeur ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise soirée dans sa carrière. C'est une tâche qui va le suivre toute sa vie. Ouais. Alors, la boxe, c'est toujours important. Ouais, OK. Hey, félicitations, hein, pour ton coup, hein, c'est incroyable. Je disais, parce que moi, je suis bien chum, puis t'es chum aussi avec, je disais à Frédéric Day, quand est-ce que tu vas me sortir, oui. T'as-tu de quoi sur le four, t'as-tu de quoi sur le four, puis je le textais souvent, c'est quoi, puis là, c'est, je me, là, arrive du champ gauche, Jean-Luc Legendre de RDS, qui arrive avec une bonne nouvelle histoire, c'est une méchante bonne histoire que t'as sorti hier, t'as rencontré Steven Brofman, il y a des choses que moi j'aime, il y a des choses que j'aime moins, par contre, quand il dit, si on réussit pas, comment ça, si on réussit pas? Ça veut-tu dire qu'on commence déjà à dire peut-être que ça marchera pas? C'est-tu ça que ça voulait dire? Contrairement au discours très, très, très optimiste de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, ouais. Qui disait toujours, c'est pas quand, c'est comment... En tout cas, je me souviens pas de sa formule. En tout cas, c'est pas quand, c'est pas si les expos vont venir, c'est quand. Et voilà, tu l'as bien trouvé. Ouais. Denis Coderre, c'était ça sa phrase, son leitmotiv, alors que M. Brundtman est peut-être un peu plus réaliste pour ce qui est de son projet à lui. Peut-être que lui, il voit un horizon plus court que Denis Coderre, là, je spécule. Peut-être que Steven Brundtman, lui, se donne peut-être un horizon de 10 ans ou de 15 ans pour ramener ça, puis peut-être qu'il dépensera pas d'énergie pendant toute sa vie, alors que Denis Coderre, lui, il voit vraiment peut-être plus à long terme. C'est sûr que on sait pas ce qui va arriver dans 50 ans, peut-être que le baseball va avoir une équipe ici, alors ça reprend peut-être un peu plus l'idéologie de Denis Coderre. Alors, je pense que c'est plus d'un niveau personnel que Steven Brundtman évoque la possibilité d'un échec éventuel. OK. Donc, c'est quand même pas... C'est loin d'être négatif. Il est peut-être plus positif, il est peut-être plus prudent que Denis Coderre, c'est tout simplement ça, parce qu'il est encore très intéressé. Moi, la question que j'aurais voulu savoir, parce que là, ça retarde, et le montant monte de la franchise. Est-ce qu'il y a eu quelque chose là-dessus? Ça monte à 2 milliards, parce que si ça arrive dans 10 ans, ça va monter encore, là. Ah oui, on a l'impression que ça monte tout de 100 temps. Millions à chaque mois. Ouais. Bon, ça, c'est... Vont-ils être toujours intéressés? Est-ce que tu sais de ça? Encore une fois, M. Brundtman refuse de parler d'échéancier, refuse de parler de montant d'argent. Le montant d'argent ne semble pas problématique. Ça, il l'avait dit, là, c'était clair l'an passé. Money is no concern. Il n'y a absolument aucun problème avec l'argent. Il travaille avec des investisseurs là, qui ont les poches vraiment profondes. Il y a lui, il y a M. Boyko de Stingray, il y a Mitch Garber également, Bell. M. Rossi. Ben, Bell n'est pas avancé publiquement. Bell n'a jamais fait de sortie publiquement, mais on croit comprendre que Bell fait partie de l'équation pour aller un peu concurrencer Rogers l'échelle nationale. Même que hier dans mon entrevue, M. Brundtman mentionnait qu'il voulait rencontrer un des vice-présidents de Bell pour nommer le stade. Ça serait peut-être le stade Bell. On sait qu'à l'époque, à l'époque de Jeffrey Loria, avant qu'il démolisse tout, c'était le stade Labatt. Alors, pour nommer un stade, il va faire des approches avec Bell. Alors, on peut résumer que Bell est là-dedans. Alors, oui, effectivement. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a énormément d'argent dans le clan Brundtman. Mais encore une fois, jusqu'à quelle hauteur, ça, il peut pas spécifier jusqu'à quelle hauteur. La mairesse, moi, c'est moi mon optimiste, puis Marc Griffin, je parle régulièrement à Marc, puis Marc me dit, Danny, il dit, il y a pas de problème, ça a rien changé, là. Puis cette semaine, je parlais avec Fred, puis avec Jérémy Filosa, puis il disait, Danny, c'est normal qu'on est moins optimiste, parce que, quelque part, c'est moins flamboyant que Denis Coderre. Mais la mairesse, de ce que t'as su, c'est pas le projet est rendu plus auquel, là. Oui, en fait, il faut savoir aussi que c'est un jeu de négociation. Hein? Ouais. Mme Valérie Plante veut représenter les Montréalais du mieux qu'elle peut. C'est pour ça qu'elle a été élue. Alors, contrairement à Denis Coderre qui déroulait le tapis rouge aux investisseurs du baseball, ben elle a intérêt, en tout cas, dans sa vision à elle, j'imagine qu'elle veut mieux défendre les intérêts des Montréalais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est braquée face au groupe de M. Brundtman. Mais M. Brundtman mentionnait hier dans l'entrevue qu'il avait un bon feeling par rapport à tout ça. Il n'y a pas eu de rencontre formelle. Il va y en avoir une dans les prochaines semaines. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à discuter parce que Mme Valérie Plante, je suis convaincu qu'elle ne veut pas cracher sur une industrie qui serait lucrative. Ça, c'est une superbe carte de visite pour Montréal, pour la province de Québec au complet également. Fait que je suis convaincu qu'elle veut pas se passer de ça. Mais elle le fera peut-être pas au même prix que Denis Coderre voulait le faire aussi, comme Denis Coderre, ça on le voit dans l'actualité, hein, à quel point il voulait tellement la Formule E qu'il y a de l'argent qui a été caché un peu partout dans tous les aspects financiers de la ville de Montréal, ouais. Ce que Valérie Plante ne ferait probablement pas. Étais-tu au match en passant hier? Oui. Et puis, comment c'est 25 000, comment que ça a été perçu? Bon, écoute... les matchs précédents, les quatre dernières années, le stade était plein, là. Les deux niveaux, alors que là, c'était juste la partie du bas. Il y avait absolument aucune personne en haut. Alors ça, c'est un petit choc. On a beau dire que c'est des matchs du lundi ou du mardi, mais des foules de 25 000, il va en falloir énormément. 81 matchs par année à Montréal pour que ça fonctionne. On peut plus avoir des foules de 8000 spectateurs là, comme on en a eu dans les dernières années des expos. Alors, Écoute, il va falloir que ça change. Puis on a juste deux matchs. Alors, si les gens ne viennent même pas voir les deux matchs, qu'ils soient légitimes ou pas, que ce soit des matchs en concours, que ce soit des matchs sans intérêt, c'est dans le fond, ce qu'on vient voir, c'est une relation avec le baseball. On vient vivre une expérience baseball. Alors, quand ça vient juste deux fois dans ta ville, puis que malgré ça, tu as juste 50 000 spectateurs, même si on dit que c'est bien bon là, pour des matchs du lundi ou du mardi, ça va être quoi pour des 81 000? Pour les 81 matchs, alors c'est ce que je pense. Donc ça me déçoit un peu. Je trouve que pour revenir à l'expérience spectateur, parce qu'hier je travaillais pas là, j'ai travaillé dans la journée, fait que j'ai pu vivre en tant que spectateur hier le match. Marcus Stroman a dit que c'était une belle foule de baseball. Oui, ça va. Mais à certains moments, moi, en tant que spectateur, là, j'aurais aimé me lever plus. Là. C'est dans des situations de 3 balles, 2 prises, 2 retraits, alors que c'est les Jays qui sont en défensive. Mmh. J'aurais aimé ça que la foule se manifeste un peu plus. Là. Ouais. C'était silence en bâtisse. Là. Okay. Alors, les gens étaient là pour jaser, pour passer une belle soirée. Puis ça a été une très, très belle soirée avec la signature Vladimir Guerrero Jr. Ben oui. Qui a ajouté à ça en remplacement, malheureusement, de Josh Donaldson. Mais ça a été quand même une très belle soirée de baseball. Mais effectivement, c'est moins impressionnant que dans les 4 dernières visites précédentes. Okay. Ben, c'est normal aussi. Ben, Jean-Luc Lejeune, merci beaucoup. Félicitations pour ton scoop encore une fois. Puis sans-en d'autres, des scoops de même, on est preneur. On travaille fort pour ça. Merci beaucoup. Jean-Luc Lejeune de RDS.